membres de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, on commence l'émission avec deux nouveautés norvégiennes et je dirais pour être plus précis, deux nouveautés de Trondheim, la ville en Norvège. Il s'agit de Soup qui nous présentera à la fin du mois de novembre son cinquième album studio qui a pour titre Vision. Et puis on va avoir aussi un extrait d'un album de Cornemo, un projet du bassiste du groupe Morild, Nils Larsson, et du claviériste Aud Rarbakken de Adventure. Et puis après ça, Marc, je pense qu'on a deux belles surprises. Oui, on a l'artiste français Alan Simon, qui est un compositeur et directeur musical de renom, qui fait paraître son nouvel album Excalibur 5, Move, Cry, Act, Clash, qui est donc la cinquième partie de cette série sur Excalibur, un opéra rock celtique. Et il y a plusieurs musiciens invités sur cet album, dont John Wetton, Steve Hackett, il y a Martin Barr qui était dans Jethro Tull, Jeremy Spencer de Fleetwood Mac, Michael Sadler de Saga, également Jerry Goodman de Mavishnu Orchestra. Donc, on aura la pièce de Vision, qui est justement la pièce avec John Wetton, une collaboration posthume pour cet artiste. On aura également la formation Legacy Pilots de l'Allemagne et leur nouvel album de Penrose Triangle. C'est le projet du guitariste, claviériste et compositeur Frank Oss. Et il y a sur ça plusieurs invités, dont Marco Minman à la batterie, également Pete Travellas et Steve Rothery de Marillion, Eric Gillette invité à la guitare sur une pièce. On aura la pièce Compendium of Life. Mais tout d'abord, comme Michel vous l'annonçait, Soup, Cornmo, suivi de Alan Simon et Legacy Pilots. Strolling around out by the balcony, stay for a while. No need to be going away. Nothing but silence is like you were never here. Strange when you walk, where only a trail remains. We hide what we see, but everyone felt the same. You take what you want, you captured our memories. Remember wish it could stay the same, but the tears were a light as the cancer was overthrown. But where do we go from here? We sing. Deeper. magic was spent and nothing remains. I'm sober tonight, and the chair and the crown reclaimed by the reaper. The thrills in the wine, the breeze that we flow. It's hard to live. We're walking the stairway, and you're always around. the beauteous maiden that came, she stole my heart away in the shade of a shimmering tree on a glistening carpet of golden leaves. She danced on the gathering breeze. She cast a spell over me, silently swirling. And forward she swayed, rock Hey, ici Paul Carniello. Vous êtes en train d'écouter CKRL, la meilleure station radio à Québec. Ma belle amour, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça, après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec. Salut, on se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens. Et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important. Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez québec.ca/parlons-vaccins. Un message du gouvernement du Québec. Je pense que c'est toi, Étienne, qui m'a toujours dit que si une chanson était capable de jouer guitare-voix, c'était une bonne chanson. Fait que c'était un bon test pour nous aussi à se dire, est-ce qu'ils sont bonnes, ces chansons? C'est ce qu'on va voir. C'est tout, y a vraiment plus rien à se dire. Ce mercredi 27 octobre, dans De Bouche à Oreille, découvrez Amé Laoni, artiste électropop à CKRL. Je l'ai invité à l'îlot Repère Gourmand pour goûter les spécialités de ce restaurant avec vue sur le lac Beauport. On parlera musique et cuisine avec la blogueuse culinaire Frédérique Lachance-Brulotte, alias Folks and Forks. Prêt à être touriste dans votre propre ville? Salut, c'est Jessica Leb. Je vous donne rendez-vous dans De Bouche à Oreille avec Amé Laoni le 27 octobre, 16h, à CKRL. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. On parlait de la Norvège tantôt avec Soup et Cornmo. On a une autre formation norvégienne pour cette nouvelle demi-heure. Il s'agit de Airbag, un groupe que pas mal de gens connaissent. Ils vont présenter le 3 décembre prochain un album qui a pour titre A Day in the Studio, Unplug in Oslo. Comme le titre l'indique, mais il s'agit d'une prestation acoustique intimiste. Le groupe revisite des pièces de A Day in the Beach, notamment, et puis on y retrouve aussi une pièce inédite. Ça va être offert en CD, en vinyle, et dans les deux cas, il y aura un DVD aussi. On aura aussi Lee Abraham de son 10e album studio Only Human. Lee Abraham qui est aussi guitariste pour Galahad. Et on aura Robbie Stenhart, violoniste qui a associé longtemps à Kansas, qui lance un album solo, son premier, Not in Kansas Anymore. Album posthume, car le violoniste, malheureusement, est décédé le 17 juillet dernier. Et un disque vraiment excellent, que son auteur avait prévu être un prog opéra, avec plusieurs invités, dont Ian Anderson, Steve Morse, Billy Cobham, énormément de bons musiciens, et le disque est vraiment solide d'un bout à l'autre. Et puis Marc, après ça, je pense qu'on va faire un tour du côté du Royaume-Uni. Oui, c'est la formation Glacier qui a été fondée à Durham en 1978 autour du guitariste John Newdale. Leur premier album est paru en 2001, ensuite un second en 2015 et celui-là, c'est le troisième album donc qui vient tout juste de paraître, Island in the Sky. On aura la pièce Union. On aura également le Android Trio qui fait paraître son nouvel album Other World. Il y a dans cette formation-là Mike Kinnelly qui a joué avec Frank Zappa, entre autres. Donc on aura la pièce Anger Dance, mais on débute avec Hairbag, Lee Abraham, Robbie Steinhardt. We forget who we are. A tale of yesterday. Somehow we soared above the fray. Who knew how long I'd last? Seemed so distant in the past. There is no looking back, for when the walls began to crack, so much since then I've grown. Now I fly on my own. I feel I've been set free for all the world to see. And from the ashes rose the phoenix. A tale of yesterday, somehow we soared above the fray. My wings spread through the flame. Salut tout le monde, ici Pierre-Hervé Goulet. Vous écoutez ma nouvelle chanson « Les oiseaux du matin » sur CKRL. Face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. Amateurs de groove, de funk, de jazz, de soul et surtout d'afrobeat, tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous. Messieurs Dynamite. Messieurs Dynamite, c'est quatre animateurs qui se partagent chaque semaine la barre de cette émission riche et colorée. Vendredi soir, 18h30, au 89.1. Manger, ça fait du bien. On avait presque 30 ans. On a décidé d'élire domicile sur Saint-Vallier-Ouest. Petit comptoir de charcuterie. On a ouvert un bouchon d'inspiration lyonnaise de pied bleu. Par la suite, le renard et la chouette. Une buvette de quartier. Puis maintenant, dans les meilleurs marchés de la ville de Québec, au nom du roi du boudin. Aujourd'hui, nous tenons à remercier anciens et présents employés. Nous levons notre boudin à vous, chers clients. Merci beaucoup. Hey Marine, le pied bleu, il a quel âge? Ben c'est facile. Il a mon âge. Il a 10 ans. N'attendez plus. Faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que 25 $ et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Les soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors pour le troisième bloc de l'émission, on aura la formation italienne Celeste, une formation qui a débuté en 1972. Ils s'étaient séparés en 1977, mais ont fait un retour sur disque en 2019 avec l'album Il Rivesclio del Principe. Et ils ont fait paraître à la fin 2020 en format numérique leur nouvel album et début 2021 en format CD. Il s'agit de l'album Il Principe del Regno Perduto. Alors on aura un extrait de cet album-là, la pièce Il Ceruelo Sogno. On aura également un nouvel extrait du nouvel album de Kimmo Porsti de la Finlande, son album Past and Present, qui est son troisième album là, en solo. On sait qu'il participe activement à la formation de Samurai of Prague avec beaucoup, beaucoup de parutions. Alors, donc, de Kimmo Porsti, on aura la pièce Cathy. Mais on débutera d'abord, Michel, avec la formation Fragile que tu nous as fait découvrir au mois d'août dernier. Oui, effectivement, un groupe qui a longtemps travaillé comme groupe hommage à Yes. D'ailleurs, ça se sent dans leur composition, mais qui est un groupe qui a décidé de passer à l'action et de créer leur propre matériel. Un premier album est paru en mai 2020, Golden Fragments. Ça a été suivi en août 2021 de Beyond. Et puis, ben, tout récemment, le claviériste du groupe Max Hunt a lancé un album, on espère vous en présenter la semaine prochaine, sous le titre de Hope. Outre Max Hunt, on retrouve au sein du groupe la chanteuse Claire Hamill, une chanteuse qui a quand même une bonne discographie derrière elle. À la guitare, Oliver Day, et à la batterie, Ross Wilson. Max Hunt, je pense maintenant qu'il vit en Allemagne, mais on peut considérer que c'est une formation britannique malgré tout. On va écouter un extrait de leur album Beyond, la pièce Yours and Mine. Thank you. I have a plan to make us both feel calmer.

Salut, ici Jason Bajada. Écoutez ma chanson Elisabeth en diffusion à CKRL 89.1. Voici le moment de renouveler votre carte de membre ou de poser un geste sensible pour votre radio favorite. Devenez membre de CKRL pour 25 $ et stimulez l'élan créateur de nos passionnés et mordus de radio. CKRL offre en exclusivité à ses membres 52 tirages de prix culturels à chaque semaine dans l'émission Les Matins éphémères et Première Loge. Vous êtes membre? Vous êtes automatiquement éligible. Comment y adhérer? Au 418-640-2575, poste 201 ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal. Quelle place occupent les aînés dans la société québécoise en 2021? Les bébés boomers vieillissants ont-ils toujours le même poids politique malgré leur grand nombre? CKRL, en partenariat avec la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale et l'AQDR, présente ce mercredi 3 novembre de 10h à midi la conférence-échange avec le sociologue Dominique Morin, professeur, chercheur à l'Université Laval. La réflexion s'organisera autour de quatre thèmes importants. La participation à la vie économique, le temps devant soi, la continuité des relations sociales, la conscience historique. Cette conférence débutera par un coup d'œil rétrospectif du vécu des aînés, depuis les lendemains de la Révolution tranquille jusqu'à aujourd'hui. Ce mercredi 3 novembre, de 10h à midi, seulement à CKRL. Amateurs de groove, de funk, de jazz, de soul et surtout d'afrobeat. Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous. Messieurs Dynamite. Messieurs Dynamite, c'est quatre animateurs qui se partagent chaque semaine la barre de cette émission riche et colorée. Vendredi soir, 18h30, au 89.1. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour notre dernier bloc musical, on aura la formation québécoise SLP qui ont fait paraître un seul album intitulé Perception, paru en 2011. On avait eu d'ailleurs la chance de les voir au Festival Terra Incognita. Michel, tu les avais invités pour nous présenter cet album-là. Donc on aura la pièce Gulf Stream and Gulf Stream. Et on débutera avec l'artiste Matthew Parmenter, l'artiste américain, donc membre fondateur de la formation Discipline, qui a fait paraître en 2016 son plus récent album solo, All Our Yesterdays. On aura les pièces Sheherazade et Danse du Ventre. Un autre artiste qu'on aime beaucoup, Michel. Oui, tout à fait. Écoute, on a eu plaisir de recevoir Matthew Parmenter en 2009, un spectacle solo, mais à couper le souffle. Et puis l'année suivante, on avait eu le plaisir d'accueillir Discipline. Et ça, c'est un spectacle dont je vais me rappeler longtemps. Ça irradiait. C'était vraiment bon. Et puis j'ai eu aussi le plaisir de présenter Discipline. En fait, c'est un des tout premiers concerts sur lequel j'ai travaillé. C'était au Dauteuil, certains vont s'en rappeler, avec Annick Dalton. Ça aussi, c'était une soirée inoubliable. Et puis, bon, on va en écouter du Matthew Parmenter de son album All Our Yesterdays. Jealous. watchful eye for you, dear.